sans te retourner. Je voudrais vraiment te remercier de t'être mis en face de ta lâcheté. Ami, tu es enfin démasqué. Tu n'as vraiment pas supporté de me voir réussir là où tu as échoué. Alors tu as préféré me médire, me punir, me salir. Parfois l'amitié est une tragédie du passé, où tu m'as sacrifié. Préfère encore mille fois être à ma place. Sans sourciller, je voudrais vraiment te remercier de t'être mis en face de ta médiocrité. Ami, tu es enfin démasqué. Tu n'as, semble-t-il, pas supporté de me voir réussir là où tu t'es planté. Alors tu as préféré trahir, me noircir, me vomir. Parfois, l'amitié est une tragédie du passé. Ensemble on ne cassera plus la croûte. Plus tu seras loin et plus je serai bien. Ami, je te souhaite bon voyage, même si mon cœur est un naufrage. Mais je ne regrette rien. Pour moi, l'amitié c'est sacré. Pour moi, l'amitié c'est sacré.